en attente. Non, je n'aime pas trop quand ça dure. Alors je passe, je fraude, je tente. Première de ma promo, je préfère. Derrière moi, ça grogne et ça gronde. La haine, moi, j'en ai rien à faire. Ils veulent juste que je leur réponde. Allez, offrez-vous un peu de rêve à tous ceux qui ne font plus de trêve. Allez, allez, jetez-vous dans l'arène. Le roi est mort, vive la reine. Chacun est pour l'autre le suivant. Personne ne bouge, tout le monde attend. Marchez-vous dessus, montrez les dents. Crachez-vous dessus, il est encore temps. Tassent tous en silence comme des tas de vers de terre. Ils ne veulent plus croire en la science. Ils ont toujours peur de l'enfer. Ils ne connaissent pas leur chance d'être si à sens unique. Jamais ils ne disent ce qu'ils pensent. Ils écoutent bien trop la politique. Offrez-vous un peu de rêve à tous ceux qui ne font plus de trêve. Allez, allez, jetez-vous dans l'arène. Voyez-moi, vive l'arène. Chacun est pour l'autre le suivant. Personne ne bouge, tout le monde attend. Marchez-vous dessus, montrez les dents. Crachez-vous dessus, il est encore temps. Encore temps.